Les Tumbo Nandi Undai Tuan, envoyé spécial du président namibien, vice-premier ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération, a offert un banquet le 27 juin à l'occasion de sa visite en République populaire démocratique de Corée. Le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho, les cadres coréens intéressés et la suite de l'envoyé spécial, y compris Selma Ashipala Mousavi, secrétaire permanente du ministère des Relations internationales et de la coopération, y ont participé. Les hôtes namibiens ont quitté le même jour Pyongyang par avion pour leur retour.